Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Ta vie est un témoignage. La Bible dit que les témoignages de l'Éternel rendent sages. Alors je crois que dès que la sœur ou le frère viendra faire son témoignage, que tu prennes cela et que tu mettes cela en pratique, ou que tu demandes à Dieu de t'aider aussi à recevoir un témoignage. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce matin pour recevoir un merveilleux témoignage? Je dis bien un merveilleux témoignage par une merveilleuse sœur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et recevoir Jevetta ce matin? Quel merveilleux témoignage! Bonjour peuple de Dieu. Je suis contente de vous voir vous tous ce matin. Bon. Ok. Je vais témoigner le témoignage de ma vie. En fait, je vais partager. En fait, une personne me posait des questions sur ma vie et je répondais. Et la personne m'a dit, oh, je crois que tu peux aller témoigner. Ta vie est un témoignage. Donc, je crois que je viens témoigner ce matin et j'espère que ça pourra fortifier quelqu'un à suivre Christ. Donc, c'est quoi le témoignage de ma vie? C'est simplement que, bon, j'étais au pays, j'ai eu le bac, et quand on a le bac, généralement, on va à l'étranger. Donc, les parents ont arrangé tout pour que je puisse venir au Ghana. Et quand je venais au Ghana, parce que mon père, en fait, c'est un gendarme, il est très strict, vraiment. Donc, je me suis dit, quand j'arrive au Ghana, c'est fini, les parents. Il n'y a plus personne. En tout cas, j'aurais même la clé de chez moi. Donc, je rentre quand je veux, je sors, je ferme ça. Il n'y a personne qui me dit, tu vas où, tu fais quoi. J'étais vraiment très contente de venir. Vraiment très contente. Quand je suis arrivée au Ghana, je suis arrivée un vendredi à 23h. Maintenant, le samedi à 9h, j'étais à l'église. Parce que la personne qui m'avait reçue allait à l'église, elle venait ici. Bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Parce que c'était la répétition de la chorale. J'ai dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais dimanche matin, elle nous réveille parce que j'étais avec ma sœur. Elle nous emmène à l'église. Je dis, ah, mais la fille, elle a quel problème? Elle ne connaît pas que moi, j'ai mes projets. C'est quoi cette histoire de l'église? Qui lui a dit que moi, genre, je suis venue au Ghana pour aller à l'église? Donc, j'étais vraiment énervée. Donc, dimanche après, et quand elle partait dans un autre programme, par exemple, en semaine, elle nous amenait toujours. Donc, s'il y avait 5 programmes en semaine, on devait assister aux 5 programmes là. Vraiment, j'étais énervée. J'étais énervée parce que ça faussait tous mes programmes en l'air. Non, ça m'énervait. Et puis, je pouvais pas aussi bouger parce que ma sœur était là. Donc, ma grande sœur. Donc, si je disais que je ne pars pas, parce qu'il y a des jours où je ne pouvais pas partir, mais elle me réveillait pour aller à l'église. Donc, c'est comme ça, je venais, bon, parce que ma grande sœur a dit qu'il faut venir. Donc, je venais de temps en temps. Je venais tous les jours même à l'église. Et si vous savez que depuis ce vendredi à 23h que je suis arrivée à Accra jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué un seul dimanche. Seigneur, bénis-moi. Tout dimanche après dimanche, je suis venue. Et alors que je venais, j'ai remarqué que ma compréhension des choses commençait à changer. Il y a beaucoup de choses que j'avais certaines images sur ces choses, surtout en tant que jeune. Mais en venant à l'église, le pasteur expliquait toujours les choses qui étaient vraiment, qui me concernaient. Et ça m'a aidé à mûrir et à comprendre beaucoup de choses. Donc, je suis ici aujourd'hui à cause de tout ça. Donc, j'ai envie de dire par là que quand nous sommes jeunes, on n'a pas forcément besoin de vivre notre vie comme on veut pour prouver que nous sommes jeunes. Parce que quand je suis là, est-ce que j'ai un problème quand je suis debout là? Je suis malade, je suis malheureuse, ou j'ai maigri, ou j'ai un problème parce que je suis à l'église. Je n'ai pas de problème. Ma vie est ok. J'ai fini. J'ai mon diplôme. Tout est ok dans ma vie. Et j'ai fait ça en étant chrétienne, en marchant selon les voies du Seigneur. À tel point que, par exemple, si vous allez vous renseigner partout dans le Ghana, je ne dis pas ça pour me glorifier. Je dis, si vous partez fouiller dans tout le Ghana, vous n'allez pas trouver un seul garçon qui va vous dire que moi, j'ai couché avec la fille, là. Mais je n'ai pas de problème. Je suis ok. Yeah. Donc, je veux vraiment vous encourager à servir Dieu, surtout pour nous, les filles. Par exemple, l'une des choses que j'ai, l'un des bénéfices que j'ai eu à l'église, c'est que quand tu es dans le monde, par exemple, pour te marier, tu dois être d'abord avec la personne, tu dois faire des pieds, des têtes, tu dois tout faire pour que la personne dise même, j'ai envie de t'épouser. Donc, tu dois faire des choses vraiment incroyables pour pouvoir garder le mari en grippe. C'est vraiment stressant et c'est fatigant. Or, quand tu es à l'église, au moins, la personne que tu vas rencontrer va te respecter pour la créature de Dieu que tu es. Et il va bien te traiter. Donc, les filles, arrêtons d'aller nous faire molester par des gens qui ne voient pas notre valeur. Nous avons plus de valeur que ça et nous avons de la dignité que Dieu a mis en nous. Donc, on doit vraiment pouvoir se conserver. Vraiment, la vie, ça se trouve en Dieu. Quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. C'est parce qu'il y a réellement la vie. Donc, il faut qu'on enlève cette image-là que si on sert Dieu ou si on suit Dieu, on sera triste, on sera malheureux, notre vie sera gaspillée, notre jeunesse sera foutue en l'air. Non. Non, c'est pas une bonne image. Donc, je nous encourage, jeunes filles, surtout quand je suis une fille, et jeunes hommes aussi, à nous donner à Dieu. Parce qu'on suit, parce qu'on vit à l'église, ou parce qu'on suit quelqu'un qui nous dit allons à l'église, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Non. Donc, suivons Dieu et servons-le avec nos vies. Et ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, vraiment. Beaucoup d'erreurs. D'erreurs qu'on n'a pas besoin de faire. J'ai l'impression que nous, les jeunes, on veut d'abord faire l'erreur avant de dire, ah, j'ai compris. Non, pas forcément. Tu peux être sage en étant jeune. La sagesse, c'est pas pour les vieux. Et les vieux même n'ont pas besoin de sagesse. Ce sont les jeunes qui ont besoin de sagesse pour éviter les erreurs qui sont sur le chemin de la vie. Donc, s'il nous plaît, servons Dieu avec notre vie et restons fermes dans la foi. Parce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu et il n'y a pas la tristesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir pour un merveilleux témoignage? Alléluia. Le pasteur a l'habitude de nous donner un verset. Il dit, la folie se trouve dans le cœur du jeune. Alléluia. Donc, quand tu es assis là, tu veux te laisser emporter. C'est un très bon témoignage que tu dois prendre et dire à Dieu, aide-moi à m'établir dans ta maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir et recevoir Gilles Prince qui a un témoignage ce matin? Est-ce que nous pouvons applaudir, applaudir et applaudir, applaudir pour recevoir Gilles Prince? Bonjour à tous. Bien, le témoignage que j'ai ce matin, c'est juste pour encourager les gens avec la religion, de pouvoir se donner en Christ. Parce que je me rappelle la première fois quand je suis arrivé ici à Accra, c'est Richie qui m'avait emmené à l'église. Et après, j'ai fait quelques séances. Et je lui avais dit que je ne suis pas ici pour le français, au fait quoi. Donc ça ne sert pas que je sois là. Et après cela, j'étais parti. Mais malgré ce fait, il m'a toujours encouragé. Il m'a toujours forcé au fait. Et je m'en souviens qu'une fois, c'est quand j'avais un problème. Vu que j'ai appris la langue à AWCC, et à tout moment que j'avais le problème, c'est là que je partais pour pouvoir réfléchir à propos de ce problème au fait. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, il faisait la cellule. Et pendant qu'il faisait la cellule, je lui ai expliqué mon problème. Et c'est là qu'il m'a dit que je puisse juste arriver à l'église et la solution y sera trouvée. Et en même temps aussi, quand j'étais venu à l'église ce jour-là, je me rappelle que c'est quand j'étais encore en première année. Quand je suis revenu, en revenant, ce jour-là, le pasteur prêchait sur les démons. Et pendant qu'il parlait sur les démons, c'est comme si j'ai été vraiment, au fait, ces démons étaient vraiment inclus en moi, au fait, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment motivé à pouvoir y rester. Et en dehors de cela, j'étais resté, mais j'étais pas encore vraiment assis. Et je m'en souviens encore que il y avait une frère, une fois on causait à propos de la religion, il me parlait de l'importance de pouvoir prier le matin avant de pouvoir sortir, d'aller quelque part, afin que je puisse toujours avoir la protection de Dieu. Mais et à ce moment, quand il parlait, moi je lui ai dit quoi? Alors, mon frère, toi tu me parles. Mais moi, la dernière fois, quand je suis allé faire le devoir, je n'ai pas eu à prier le matin. Mais j'ai eu plus que ce que je voulais avoir, en fait. Et en même temps, il m'a encore lancé une deuxième parole qui a vraiment fait travailler ma tête. Il m'a dit que dans ce monde, on veut toujours avoir des hautes propositions. Mais penses-tu qu'aujourd'hui, même si tu peux avoir tous les diplômes, tu peux aller à l'école, et quand tu vas finir, quand tu vas vouloir du genre avoir cette position-là, il y aura toujours des gens qui sont du genre force en négatif au monde spirituel, qui vont du genre chercher leur force auprès des marabouts et des féticheurs. Et ces gens-là vont toujours t'empêcher de pouvoir aller de l'avant, en fait. Parce que ce monde est plus charnel que spirituel. Et à cette instance, cela m'a vraiment fait travailler la tête, au fait. Et je me suis dit vraiment que je dois me donner, je dois commencer à servir le Seigneur. Donc vraiment, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup motivé. Donc j'aimerais beaucoup encourager les gens, quel que soit ton talent, quel que soit ce que tu peux avoir, que tout ce que nous possédons, ça vient de Dieu, au fait. Et il faut toujours penser à te dire, quand tu mets Dieu de l'avant, tu vas remarquer que les merveilles viendront dans ta vie, au fait, quoi. Et tu pourras facilement progresser dans ta vie. Pour moi, c'est le Seigneur, donc c'est... Alléluia. Je suis chrétien depuis des années, servant le Seigneur, travaillant dans l'église. Mon plus grand désir, ma passion, c'est d'aimer le Seigneur. Il fit le soleil, la lune et les étoiles. Dieu est si grand, bien qu'il semble si loin. Et quand je lui parle, il semblerait qu'il n'entende même pas. Comment aimer Dieu que je ne peux voir? Voici mon rêve, la paix de ma vie. Prends ma vie. Et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, le plus grand précepte. Je veux t'aimer, ô Seigneur, tomber amoureux de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Oh. Si un enfant dit qu'il m'aime vraiment, il doit appliquer mes commandements. Seigneur, qu'ai-je fait que je n'aurais pas dû faire? Montre-moi comment t'aimer plus. Je veux servir toi, mon Seigneur. Je veux t'aimer encore, encore plus. Oh, ma vie. Et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, le plus grand précepte. Je veux t'aimer, ô Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montre-moi comment. avoir choisi, les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles entendu, les choses que Dieu prépare pour tout ce qui naît. C'est pourquoi je veux t'aimer plus. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, le plus grand précepte. Je veux t'aimer, ô Seigneur, tomber amoureux de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Je me rapproche de toi. La fin, un jour je serai ami de Dieu. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie je te la donne. T'aimer, le plus grand précepte, je veux t'aimer, ô Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans Alléluia, levez-vous s'il vous plaît, on va prier. Fermez les yeux, prie ce matin, que Dieu te bénira. En ce moment, prie, Seigneur, merci pour ce matin, ce beau matin. Seigneur, merci, c'est pas comme les autres dimanches. Seigneur, merci, parce que tu as préparé quelque chose pour nous ce matin. Et Seigneur, te demandons, aie pitié de nous. Et bénis-nous ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole que tu as préparée pour chacun vienne avec puissance pour sauver, pour guérir, pour délivrer et pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, merci que personne ne sort de cette salle sans recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut chanter ça? Comptons sur Yahweh. À jamais Yahweh, Yahweh, comptons sur Yahweh, comptons sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh, comptons sur Yahweh. Comptons sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh, et comptons sur Yahweh. Ce matin, c'est à toi, compte sur Yahweh ce matin, à jamais Yahweh. Yahweh, et il règnera, et il règnera, à jamais il règnera, à L'espoir c'est Yahweh. L'espoir c'est Yahweh. Yahweh. À jamais. À jamais Yahweh. Yahweh. L'espoir c'est Yahweh. L'espoir c'est Yahweh. Yahweh. À jamais. À jamais, Yahweh, Yahweh. Quand on sait Yahweh, quand on sait Yahweh, Yahweh. Si tu es découragé ce matin, compte sur lui. À jamais, Yahweh, Yahweh. Quand on sait Yahweh, quand on sait Yahweh. Yahweh, à jamais, à jamais, Yahweh, Yahweh, une fois encore, comptons sur Yahweh, comptons sur Yahweh, Yahweh, à jamais, Yahweh, à jamais, Yahweh. C'est lui qui fera. Oh, à jamais. À jamais, Yahweh. Yahweh. Et il règnera. Et il règnera. À jamais, il règnera. À jamais. À jamais il règnera, à jamais il règnera, pour toujours, à jamais ton Dieu. Oh Seigneur, merci. Nous comptons sur toi ce matin. Nous comptons sur toi parce que c'est toi qui es Yahweh. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer assez vous, s'il vous plaît? Alléluia. Je suis content de vous voir tous ce matin. Et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Ce matin, nous allons juste quelques minutes. Continuer quelque chose qu'on a commencé il y a une, trois, bien quatre semaines. Alléluia. Yeah. Pourquoi tu es chrétien? Yeah. Ça, c'est le message. Pourquoi tu es chrétien? Alléluia. Yeah, parce que nous ne savons pas. Yeah. Si le ciel, il n'y a pas de difficultés, hein, les rues, ou bien les, voilà, les rues du ciel sont pavées d'or, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de problème de western. Pourquoi depuis tu es sauvé et puis tu es toujours là? On devait partir après le salut, alléluia. Ou bien, juste aller et puis échapper ou bien éviter tout ce que nous expérimentons ici sur la terre. Alléluia. Yeah. Yeah. Mais le Seigneur a une raison pour laquelle tu es là. Alléluia. Il a une raison. La raison, c'est de porter de fruits. Si tu es sauvé, c'est parce que le Seigneur, tu es sauvé et tu es toujours là. Parce que si on est sauvé, on doit juste, Seigneur, c'est fini, je viens au ciel. On doit juste aller directement au ciel. Mais la raison pour laquelle après le salut tu es toujours là, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas aussi sauvés. Et tu dois aider à les sauver. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. La raison pour laquelle nous sommes toujours là. Nous sommes chrétiens. Après, nous sommes toujours là. Il y a d'autres qui sont partis, mais nous restons, ceux qui restent, nous qui restons, c'est parce que nous avons quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Yeah. Et nous avons, parlé de pourquoi certains ne portent pas de fruits. Est-ce que vous vous rappelez? Pourquoi certains ne portent pas de fruits? Alléluia. Yeah. On a lu quelque part dans Genèse. Genèse, ok, chapitre 1. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Alléluia. Et hey, alléluia. Hey! Les chrétiens. Ok. Genèse chapitre 1, verset 24. La Bible dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce et bétail, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Okay? Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Amen. Yeah, Dieu veut que tout animal, ok, produit selon son espèce. Alléluia. Tout animal, bien tout le monde puisse porter de fruits selon leur espèce. Alléluia. Yeah. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains ne portent pas de fruits. Nous avons dit que ces personnes ne sont pas vraiment nées de nouveau, ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Peut-être vous, tu penses que tu es chrétien, mais tu n'es pas vraiment un chrétien. Hein? Parce qu'on ne voit pas des fruits. Après quelques mois, quelques années, on ne voit rien. Faut dire que, ah, ça c'est ton fruit. Parce que si on a un manguier ici, et après 4 ans, 5 ans, combien d'années un manguier prend pour porter de fruits? Ceux qui ont fait l'agriculture. Il n'y a pas des gens qui ont fait l'agriculture ici. Alléluia. Ok, supposons que après 2 ans, le manguier doit porter de fruits. Et puis 3 ans, le manguier ne porte pas. 4 ans, 5 ans, le manguier ne porte pas. Tu vas commencer à penser si c'est un manguier. Ou bien, yeah, on a l'arbre est là avec les branches, les feuilles sont là, c'est manguier, on voit que c'est manguier. Mais on va commencer à dire, ah, est-ce que ça c'est vraiment un manguier? Hein? Alléluia. Donc, il y a certains qui sont là vraiment, ok, sont à l'église, mais ne sont pas réellement nés de nouveau. Parce que l'une des fruits qu'on voit de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est les fruits. Alléluia. C'est d'autres personnes qui sont nées de nouveau. De cette personne. Alléluia. Et c'est naturel. Lorsque tu es né de nouveau, c'est une bonne nouvelle, c'est une grande bénédiction. Tu vas parler de cela à d'autres personnes. Yeah. Et dans cette vie, c'est normal, lorsque tu as une bénédiction, lorsque tu reçois quelque chose, tu veux partager avec les autres. Ou bien, tu veux parler de ça aux autres personnes, ou bien, yeah, tu achètes une nouvelle voiture, tu veux dire, acheter, tu veux que les gens célèbrent avec toi, ou bien, yeah. Lorsque, tu vois, on dit que la joie partagée, se multiplie. Donc, tu as double joie lorsque tu partages avec quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Que tu partages une joie. La joie de cette personne, parce que la personne sera contente avec toi. Ou bien, donc ça devient deux joies. Donc ça se multiplie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es en joie de quelque chose et tu ne partages pas, c'est juste toi seul qui est. Alléluia. Et on dit que lorsque tu partages un malheur, quelque chose, l'opposé, tu partages un malheur avec quelqu'un, c'est-à-dire tu as divisé la souffrance ou bien la quoi? L'opposé de joie, c'est quoi? La douleur, la peine, yeah. La personne va dire, oh mon soeur, oh ma soeur, oh mon frère. Donc tu vois que tu es un peu soulagé parce qu'il y a quelqu'un aussi qui te comprend. Ou bien, aha, donc ce matin de porter de fruits, dit que lorsque tu es né de nouveau, c'est une grande joie et c'est une grande bénédiction. Tu vas tout de suite commencer à parler de cela à d'autres personnes. Que j'ai reçu le Seigneur, je suis content, je suis à l'église. Et tu veux parler de cela à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu vois que certains sont nés de nouveau, mais il y a rien. C'est pas vraiment. Dans le cœur, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment ça. Alléluia. Et donc, on a déjà parlé de ça. Deuxième chose, c'est que la personne est malade. N'est pas en bonne santé, spirituellement. Il y a une maladie. Maladie de péché. Maladie de paresse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, si tu vois quelqu'un, une femme qui ne tombe pas enceinte après son mariage, 5 ans, 10 ans, c'est parce que peut-être il y a une maladie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez le message? Pourquoi tu es né de nous? Pourquoi tu es chrétien? Tu es chrétien pour porter de fruits. Alléluia. Et quelle autre raison on a donné? On a donné les soucis de ce monde. Alléluia. Les soucis de ce monde peuvent aussi nous rendre infructueux. Est-ce que vous êtes là? Les soucis de ce monde. Marc chapitre 4, verset 19. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Marc chapitre 4, verset 19. Est-ce que tout le monde peut ouvrir Marc chapitre 4, verset 19? OK? Ouvre la Bible. Si tu n'as pas la Bible, regarde la Bible de ton voisin. OK? Et ne me regarde pas. Au moins pour cette lecture. OK? Marc chapitre 4, verset 19. OK? Il dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Ici, il est en train de parler de la parole de Dieu. Chaque dimanche, vous venez, je vous prêche la parole de Dieu pour que vous soyez fructueux. Alléluia. Mais il y a certains qui reçoivent la parole, mais les soucis de ce monde, les soucis de ce monde, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole. Alléluia. Les soucis de ce monde ne sont pas des péchés. Non, ce sont des soucis. Alléluia. Tu as besoin de la scolarité, tu as besoin de payer ta maison, tout ça là. Tu as besoin de manger. Donc c'est pas un péché. Mais parfois nous permettons ces choses pour étouffer la parole et nous devenons infructueux. Alléluia. Et la séduction des richesses. Les richesses trompent. Alléluia. Et l'invasion des autres convoitises. Il y a beaucoup de convoitises qui étouffent la parole de Dieu dans nos vies. La convoitise, on parle de convoitise, c'est quoi? Il y a les désirs très forts pour certaines choses. Alléluia. Désirs très forts pour l'alcool. Désir très fort pour les femmes. Désir très fort pour le sexe. Surtout les jeunes. Désir très fort pour... Alléluia. Désir très fort. Tu veux coûte que coûte avoir une copine, bien copain. Tu ne vas pas être fructueux dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu ne vas pas porter de fruits. Alléluia. Donc, il faut t'examiner, voir quel désir qui est fort dans ta vie, dans ton cœur. Tu as ce désir très fort, plus que le désir d'aimer le Seigneur. Ça, c'est un mauvais désir. Est-ce que vous comprenez? Si tu as un amour très fort, plus que l'amour du Seigneur, ça, c'est pas un bon amour. Est-ce que vous êtes là? Parce que ça va vous éloigner de Dieu. Le désir très fort te pousse vers une certaine direction. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Tu as un garçon qui poursuit une fille avec ce désir très fort. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Ou bien une fille qui est en train de... Elle va faire tout et tout. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, il faut faire attention au désir fort, amour fort pour quelque chose, amour fort pour l'argent. Tu veux coûte que coûte avoir de l'argent. Tu vas tricher, tu vas voler, tu vas prendre des raccourcis. Alléluia. Yeah, c'est pourquoi il y a la corruption, beaucoup de corruption dans nos sociétés aujourd'hui. Même depuis l'école. Yeah, on n'apprend plus. On veut tricher. Yeah. On n'apprend plus. Aujourd'hui, les élèves n'apprennent plus. Hein? Les élèves n'apprennent plus. Ne prend pas leur cahier d'asseoir. Une heure, deux heures pour apprendre. Yeah. Aujourd'hui, vous me regardez, non, c'est bon. Oh bien. Yeah. Désir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Donc, il faut pas avoir un désir, un amour fort pour quelque chose, plus que l'amour de Dieu. Plutôt, tu dois avoir l'amour, un amour très fort pour Dieu. Alléluia. Un amour très fort, pas un amour très fort pour le mari ou bien la femme. Non. Lorsque tu fais ça, tu vas laisser Dieu. Yeah, tu vas laisser Dieu. Donc, c'est dangereux d'avoir un amour fort. Hein? Un amour très fort pour quelque chose, à part Dieu. Hmm? Est-ce que vous êtes là? Mais regardez, vous aimez la parole. Vous comprenez la parole. Alléluia. Yeah. Yeah. L'invasion des autres étouffe la parole, c'est ça même. Et la rend infructueuse. Infructueuse. Chaque fois que tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois fructueux. Dieu veut que tu portes de fruits. Alléluia. Dieu veut que tu aimes sauver les âmes. Beaucoup d'âmes sont sur le chemin vers l'enfer. Tu ne dois pas premièrement être sur ce chemin. Ce chemin. Alléluia. La Bible dit que ce chemin est grande. Est grand. Okay? Cette voie est grande. Mais la voie vers le ciel est étroite. C'est petite. Et si on parle de étroite, c'est la différence est grande et étroite. C'est pas nécessairement que c'est grand comme ça. C'est pas physiquement grand. Ou bien physiquement étroite. Alléluia, cette voie vers le ciel. C'est étroite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a, c'est pas facile de marcher sur cette voie. Si tu es ici et servir le Seigneur, est facile pour toi. C'est fort probable que tu es sur la grande voie. Yeah. Alléluia. Yeah. C'est fort probable. Parce que les gens qui disent, oh non, la chrétienne, c'est divino. C'est fort probable. Sur la grande voie, c'est facile pour toi. Tu permets tout. Tu fais tout. Tu vis n'importe comment. Alléluia. C'est possible que tu es sur cette voie. Mais la voie du ciel est étroite. Cela veut dire qu'on ne permet pas beaucoup de choses. On ne permet pas la fornication. On ne permet pas le mensonge. On ne permet pas la masturbation. Hein? Dimanche passé, on prêchait un message pour les hommes. Les hommes. Les hommes. Si tu es homme ici, tu as besoin de ce message. Va à Kodesh et achète ce message. C'est gratuit. C'est gratuit même. C'est pas acheté, c'est gratuit. Et écoute le message. Alléluia. Je dis bien, la voie vers le ciel est étroite. On ne permet pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, toi, tu dois être sur la voie vers le ciel d'abord. D'abord. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Demande à ton voisin, si tu es sur la voie, la grande voie, bien. Oh, vous ne demandez pas. Hey! Les gens ne respectent même pas le pasteur. Hey! Beaucoup de personnes sont sur la grande voie. Même le pasteur, il ne respecte même pas le pasteur. Wow. Il y a certains trucs, on ne permet pas. Parfois, lorsque je regarde certains, je dis, ah, wow. Hein? Ah, vous voyez, servir Dieu, beaucoup de vous, d'entre vous, vous trouvez ça difficile. C'est parce que vous avez le pied, un pied dans le monde et un pied à l'église. Donc, tu n'es pas accepté au monde, dans le monde. Et tu n'es pas accepté dans l'église. Donc, tu vas, avec toi, tu vas aller à l'église. Tu vas à l'église. Ok, on va aller boire de nuit. On va aller, oh, tu vas dire, oh non, moi, je veux pas. Donc, c'est, et puis tu viens ici, on dit, ah, pourquoi tu as forniqué? Et puis tu dis, ah, pourquoi? Beaucoup d'entre vous, c'est comme ça. Un pied dans le monde, un pied dans l'église. Double vie. Yeah? Mais lorsque tu es dans le monde, et les deux pieds là, tu es libre. Là, il n'y a pas de. Lorsque tu es à l'église, tu es dans le Seigneur. Tu vois que tu es aussi libre. Ça devient facile pour toi de servir Dieu. Alléluia. Yeah. Donc si tu es ici, amène l'autre pied à l'église. Amène l'autre pied dans le Seigneur. Alléluia. Amène l'autre pied. Amène l'autre pied. Tu vois, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas chrétiens, oh, ils sont libres. Personne ne leur amène la parole de Dieu. Ils n'entendent pas la parole de Dieu contre ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont libres. Hein? Ils ne sont pas gênés. Yeah. Ils ne sont pas gênés. Tu viens avec la parole de Dieu, ils ne croient pas. Donc, amine. Ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de sens pour lui. Alléluia. Mais toi, tu es chrétien, donc tu vas dans le monde, tu écoutes la parole de Dieu, tu es gêné. Tu es gêné. Tu viens ce matin, tu as fait quelque chose, je prêche la parole de Dieu, c'est comme je suis en train de parler de toi. Et tu as, pasteur, arrête de dire ce que tu es en train de dire. Pasteur, arrête, tu es en train de prier. Que pasteur, arrête de dire ce que tu es en train de dire. Alléluia. Mais lorsque tes deux pieds sont là, dans le Seigneur, tu vois que c'est facile. Parce que tu ne fais plus, ça devient facile de servir le Seigneur. Et ça devient facile de rester sur cette voie qui est étroite. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Donc, portez de fruits. L'une des raisons. Alléluia. Yeah. L'une des raisons, parce que nous permettons les démons de distraction. Yeah, nous permettons les démons de distraction nous distraire de la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. La raison pour laquelle l'Église existe. Alléluia. L'Église n'est pas une institution pour construire les écoles. L'Église n'est pas une institution pour faire quoi? Pour créer des emplois. L'Église n'est pas une institution pour faire quoi? Elle n'est pas une banque. L'Église n'est pas une banque. Alléluia. La banque est pour la banque. Ils sont là pour banquer. Le gouvernement est là pour construire les écoles. Pour amener l'électricité. Fait les roues, de l'eau, tout ça là. Mais l'église, ça c'est... La raison pour l'église, c'est de sauver les âmes. Yeah. Yeah. Sinon, lorsque Jésus était venu, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait construire les hôpitaux, l'électricité va mener, et jusqu'alors, on n'aura pas de problème avec ces choses-là. Mais il n'a même pas construit une maison. Il n'en avait pas. Il a commencé, à l'âge de 30 ans, il a déjà commencé à prêcher, à faire des miracles. Yeah. Et, tu vois, les gens parfois on parle de miracles et tout ça. C'est la raison pour laquelle il est venu. Non. Il a guéri les gens, il a sauvé, il a résisté les morts, tout ça là. Mais c'est pas la raison pour laquelle il est venu. Alléluia. La raison pour laquelle il a venu là-dedans, il a allé dans le monde entier et prêcher la parole de Dieu. Après avoir allé sur la croix, la raison pour laquelle il est venu, c'est de verser son sang pour chacun de nous ici. Yeah. Parce que le salut avant son arrivée, c'était de sacrifier les animaux. Le sang des animaux. Chaque année, le prêtre doit aller là-bas, sacrifier pour pardonner le péché des peuples, du peuple. Alléluia. A dit non. Le Seigneur a réalisé que non. Il ne peut pas continuer avec ça. Il doit avoir un sacrifice une fois pour tout. Ultime, c'est ça. Donc, il est de sa raison, c'est de venir verser son sang pour pardonner nos péchés et nous sauver de l'enfer. Donc, c'est après ça que l'église a commencé. La raison pour l'église est de sauver. Tu vas aller voir que, après ça, son départ, Pierre et les autres apôtres ont commencé à prêcher la parole pour le salut. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, la raison pour laquelle nous sommes là, la raison, c'est pour sauver les âmes. C'est pour sauver les âmes. Et nous ne devons pas permettre aux distractions. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Les gens qui murmurent. Ah. Les gens qui parlent de l'église est un secte. Ces discussions inutiles sont des distractions pour le but principal, pour notre objectif. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Parfois, c'est l'école. Parfois, c'est la famille. Parfois, c'est le mariage. Parfois, c'est les relations qui nous distraient du but principal. Yeah. On vient à l'église, c'est comme c'est à cause des relations qu'on est venu à l'église. Ce sont des, en anglais, side effects. Side effects. Les effets secondaires. Yeah. C'est pas la raison principale. Je veux dire l'objectif secondaire. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, si tu viens à l'église ici, c'est pour sauver les âmes. Et toi aussi, tu dois t'amener. Nous devons tous nous mettre à la tâche pour sauver les âmes. Tout ce que nous faisons, c'est pour le but de sauver les âmes. Yeah. Ne sois pas juste venu ici pour danser, bien pour chanter. Yeah. Yeah. Alléluia. Donc, ne laissons pas les distractions, les murmures, les divisions, les querelles inutiles qui nous distraient. Hein? Est-ce que vous êtes là? Parfois des commentaires. Yeah. C'est des commentaires inutiles. Parfois des critiques inutiles. Et parfois c'est le diable qui amène ça. Et lorsque tu permets, tu deviens un agent. Un agent de distraction dans l'église. Alléluia. Yeah. Un agent de distraction. Yeah. Regarde ton voisin. Si c'est un agent. Dis à ton voisin, ne me distrais pas. Je ne te permets pas. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour sauver les âmes. Regarde les chaises vides. Est-ce que tu es content? Moi, je suis pas content. Moi, je suis pas content. Et il y a beaucoup de francophones qui dorment ce matin. Qui sont à la maison ce matin. Yeah. Ils ne sont pas à l'église. Ils ne sont pas à l'église. Yeah. Parfois, c'est la distraction de religion. J'aime le témoignage que Gilles Prince a donné. Religion, discussion sur la religion. Alors que le but que nous avons ici, c'est de sauver les âmes. Hein? C'est sur la religion. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un secte. Lighthouse, c'est un secte. Lighthouse, lorsque tu viens ici, c'est pour te marier jeune. Lighthouse, c'est quoi? On porte le noir, donc nous sommes un secte. Donc, tu vas dire que les employés de EcoBank et de Barclays sont des sectes, ou bien? Parce qu'on porte toujours les noirs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parfois, ces commentaires, ils disent, tu es ignorant. Tu ne connais pas beaucoup. Tu ne vois pas au-delà de. Yeah. Parce que lorsque tu regardes, tu penses, waouh. Donc, nous sommes focalisés Nous sommes focalisés. Nous sommes focalisés pour sauver les âmes, focalisés sur l'objectif, la grande commission. Alléluia. Yeah, la grande commission. La grande commission, c'est de sauver les âmes. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Bientôt, on va quitter cet endroit. Yeah. Yeah. Yeah. Et ça peut être brusque parce que, je sais pas, peut-être c'est la semaine prochaine. Donc, sois à l'écoute, oh. Dimanche ne viens pas, tu viens, tu vas voir que non, on ne sera pas ici. Alléluia. Amen. Yeah. Nous avons trouvé un endroit à Pinnacle College. Une belle salle pour le culte. Alléluia. Amen. Yeah. Et nous allons commencer une agressive forme d'évangélisation. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Yeah. Dieu veut sauver 50 Congolais. Dieu veut sauver 50 Gabonais. Dieu veut sauver 50 Maliens. Lorsque je regarde un peu, je vois seulement une seule Malienne ici. Dieu veut sauver 50 Guinéens. 50 Togolais. Alléluia. Yeah. La salle est trop petite. On doit avoir 2-3 cultes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous avons un but pour sauver la communauté. Combien d'Ivoiriens on a ici? On n'a même pas 20. On n'atteint même pas 20. 10 même, c'est forcé pour avoir 10. Yeah. 50 Ivoiriens, 50 Burkinabés, 50 Béninois. Combien de Béninois on a ici? Ils sont même partis, à part à ça. Alléluia. Amen. Et je veux que tout le monde se mette à cette charge. Alléluia. Tout le monde. Tout le monde. Beaucoup de vous avez des talents que vous n'utilisez pas. Yeah. Vous avez des talents, mais vous n'utilisez pas. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas distraits. Nous n'allons pas nous permettre d'être distraits par ces choses. Est-ce que vous êtes là? Yeah. L'école est là. La raison principale pour l'école, pour toi ici, je dis bien toujours, c'est l'école et l'église. Yeah. Dieu t'a amené ici pour l'école, pour que tu retrouves Dieu. Yeah. Beaucoup d'entre vous. Yeah. Yeah. Yeah. Le Seigneur t'a refusé le visa pour l'Amérique ou bien l'Afrique du Sud ou bien le Canada, pour que tu viennes ici pour retrouver Dieu. Yeah. Si tu étais en Amérique aujourd'hui, tu seras homosexuel. Parfois, Dieu nous refuse certaines choses pour nous délivrer de certaines choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, nous allons porter de fruits lorsqu'on ne permettons pas beaucoup de choses de distraction dans nos vies. Alléluia. Donc, commence à penser aux choses qui te distraient. Alléluia. Certains d'entre vous, c'est ton ami. C'est ton ami. Alléluia. Yeah. Ton ami te parle toujours. Tu vas à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Alléluia. Commence à identifier quelles sont les choses là qui me distraient. Quelles sont les choses là? Et tu vas les identifier. Moi, je ne connais pas. Tu vas les identifier. Quelles sont les choses qui t'empêchent de porter de fruits? Ce sont tous des distractions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Levez-vous s'il vous plaît. J'ai passé pour 30 minutes. Yeah. Yeah. Alléluia. Si je commence un autre point maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. Yeah. Et ne vous en faites pas, l'endroit là, c'est pour dire, soyez à l'écoute. Ça peut être la semaine prochaine. Si tu viens ici et tu ne sont pas là, dirige-toi vers Pinnacle College, à Quiltema. Demande le chemin de Pinnacle. Ça peut être la semaine prochaine. C'est 50% semaine prochaine. Parce qu'ils sont en train de faire des travaux et l'endroit n'est pas vraiment prêt. Alléluia. Yeah. Et c'est possible que ça soit fait cette semaine. Et dimanche, peut-être jeudi, je ne vais pas confirmer. Alléluia. Jeudi, nous allons confirmer si c'est la semaine prochaine. Le 2 juillet. Alléluia. Et là, je peux prêcher pour une heure de temps. Ici, c'est juste 30 minutes, quelques minutes, et les anglophones sont là, nous attendent déjà. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Fermez les yeux, remerciez le Seigneur pour sa parole. J'ai porté de fruits. Prie que le Seigneur te rend fructueux. Te rend fructueux. Te rend fructueux. Oh, tu veux un chrétien qui porte de fruits. Un chrétien qui est focalisé sur le but principal. Le but principal, sur la grande commission d'aller dans le monde et faire des disciples, de sauver les autres. Le Seigneur ne te demande pas d'être un évangéliste, mais dans ton environnement, là où tu es, tu peux aussi faire quelque chose. Tu peux aussi porter de fruits. Tu peux porter de fruits. Demande le Seigneur. Demande le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Qui te rende fructueux. Que tu sois un chrétien qui reçoit la parole et qui porte de fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions contre toute distraction. Toute distraction. Prie contre toute distraction. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour voir les distractions qui sont dans ta vie. Qui te distrait de Dieu. Qui te distrait de la grande commission. Prie que le Seigneur te montre pour que tu puisses les éviter. Au nom de Jésus, Seigneur, je chasse tout démon de distraction dans nos vies et dans cette église. Nous n'allons pas nous permettre, nous n'allons pas nous impliquer dans ces discussions inutiles, dans ces activités inutiles qui nous éloignent de ta grande commission. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Nous allons nous mettre à la charge. Nous allons mettre au travail. Nous allons travailler pour toi. Nous allons travailler pour toi. Nous allons gagner les âmes pour toi. Nous allons faire dans notre petit environnement, dans notre petit monde. Seigneur, nous allons gagner des âmes. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir 50 Béninois, 50 Ivoiriens, 50 Maliens. Seigneur, au nom de Jésus, à l'église, nous allons voir beaucoup, beaucoup. 50 Camerounais, 50 Congolais, 50 Guinéens, Seigneur. 50 Sénégalais, au nom de Jésus. 50 de chaque pays, de chaque nation, dans l'église, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier cette prière avec moi? Prie qu'on ait 50 de chaque pays, 50 de chaque pays, 50 de chaque pays représentés ici, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que nous prions avec foi, oh, nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, au nom de Jésus, par la foi, c'est ça la foi d'Abraham. Seigneur, nous appelons les choses qui ne sont pas comme elles étaient, au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup de francophones, Seigneur, envoie-nous, Seigneur, donne-nous une option, Seigneur, pour gagner 50 de chaque pays, 50 personnes de chaque pays, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, les bros, c'est les bas, calabros, c'est les bas, les bros, c'est les bas, calabros, c'est les bas. 50 qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas à l'église, qui ne sont pas à l'église, qui ne vont pas à l'église. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, sauve-les par nos activités. Par nos activités, par notre obéissance à ta parole, Seigneur, par l'obéissance au demande d'Abelengbe, Seigneur, sauve 50 de chaque pays, au nom de Jésus, 50 Tchadiens, 50 Centrafricains, 50 Congolais, 50 Gabonais, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions. Nous voulons. Seigneur, dans le mois de juillet, nous allons sauver des âmes. Nous allons évangéliser avec agression. Au nom de Jésus. Avec anakazo. Avec piazo. Au nom de Jésus. Avec force. Avec force. Avec force. Avec zèle. Nous ne serons pas ébranlés. Nous serons inébranlables. Nous ne serons pas secoués. Nous ne serons pas découragés. Nous allons les sauver par la grâce de Dieu. Oh, les bros, c'est les bas, calabros, c'est les bas. Seigneur, c'est la grande commission. Nous sommes focalisés sur cette commission. Nous sommes focalisés sur cette charge. Au nom de Jésus, personne ne peut nous distraire. Personne, aucune chose ne peut nous distraire. Au nom de Jésus. Oh, leur visage ne peut pas nous distraire. Au nom de Jésus, leur commentaire ne peut pas nous distraire. Oh, les bros et les babas, leur accusation ne peut pas nous distraire. Au nom de Jésus, leur discussion ne peut pas nous distraire. Seigneur, au nom de Jésus, oh, ceux qui pensent ne peut pas nous distraire. Nous sommes focalisés. Nous n'allons pas nous laisser, Seigneur, distraire par ces choses. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Tout le monde, ferme les yeux. Et incline ta tête ce matin. Je veux que tu réfléchisses un peu. Une minute, deux minutes. Je veux te poser une question. Est-ce que tu es sauvé? J'ai parlé de la grande voix et la petite voix. Sur quelle voix tu es maintenant? Sur quelle voix? Peut-être que tu viens depuis, mais tu n'es pas vraiment sauvé. Tu n'es pas vraiment sauvé. Est-ce que tu vas te retrouver dans l'enfer si le Seigneur vient, si le Seigneur t'appelle? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Est-ce que tu es prêt? Ce matin, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu peux réfléchir un peu? Et juste toi-même, examine-toi, examine ta vie. Examine ta vie ce matin. Est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que tu es réel? Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, il vient maintenant pour prendre ses élus. La Bible dit que nous allons tous nous comparaître. Chacun va se retrouver devant le trône. Est-ce que tu es prêt si le Seigneur arrive maintenant? C'est la question que je te pose. Je veux que tu réfléchisses. Et ce matin, le Seigneur veut te donner l'opportunité de faire la paix avec lui, de lui donner sa vie. Je veux que tu lui donnes ton cœur, ta vie ce matin. Le Seigneur veut te sauver de l'enfer. Le Seigneur veut te sauver sur cette grande voie. Tu permets tout, tu fais tout sans réfléchir. Ce matin, le Seigneur veut te mettre sur la voie qui va t'amener au ciel. Qui va t'amener. Peut-être que tu es un pied dans le monde et tu es un pied dans l'église, bien dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit, mets l'autre pied, ramène l'autre pied à l'église. Ramène l'autre pied dans le Seigneur. Et le Seigneur veut te sauver ce matin. Il veut te sauver. Les yeux fermés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour une minute, juste pour une minute. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a invité. Tu es peut-être la première fois et tu ne comprends rien. Mais tu ressens dans ton cœur. Le Seigneur t'a parlé et tu veux donner ta vie à Dieu. Je veux prier avec toi. Dis, pasteur, prie avec moi. J'ai besoin de Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je veux prier avec toi avant de rentrer. Tu veux ramener l'autre pied dans le Seigneur. Le Seigneur veut te recevoir. Il est prêt. Il a ouvert large ses bras. Il a ouvert large ses bras. Et il veut te recevoir avec joie. Dans son sang. Et dans sa paix. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je veux prier avec toi. N'aie pas la honte. Nous allons nous comparer devant chacun. Chacun va se mettre devant le trône pour faire un compte de ta vie. C'est pas avec ton voisin, c'est pas avec ton ami, toi seul, tu vas te mettre devant le trône pour faire le compte. Donc ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à ton ami, ne pense pas aux autres, c'est toi seul, c'est personnel, le salut est personnel. Lève ta main ce matin, le Seigneur veut te sauver. Lève ta main. Lève ta main. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Je ne vois aucune main, mais peut-être que tu as levé la main, je ne vois pas. Si tu as levé, est-ce que tu peux venir devant? Je vais prier avec toi avant de partir. Lève ta main. Lève ta main. Le Seigneur t'appelle. Si ton cœur se bat, le cœur en train de te battre très vite, c'est toi. Cela veut dire que tu n'es pas sauvé. Cela veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu as vu, tu sais. Donc le Seigneur t'appelle. Viens. Viens. Viens. Viens à Dieu. Viens à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Merci pour le don de vie éternelle. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous bénisses. Et Seigneur, je prie que tu bénisses chacun ici. Cette semaine, protège chacun cette semaine. Pourvois aux besoins de chacun cette semaine. Seigneur, je déclare et je prophétise qu'il y aura des témoignages cette semaine. Au nom de Jésus, à cause de ton miracle, tu vas faire un miracle dans la vie de quelqu'un ici. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP, non loin du 3 Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook, Mission Internationale Jésus qui guérit à BNP pour plus de messages. Soyez bénis. Je t'aime.